Grisland! Die man is hoor. Denk je de scène van hoor. Ik hoor je microfoon hoor. Ja we'll be right back.